remporter ta tombola. Certains te souhaitent la tombola. Déjà vu plus d'une fois, saoulé par le cri d'une fois. On veut tous être blindés sans jouer la pute du roi. On oublie nos devoirs, mais on se rappelle de l'abus du droit. On est gênant comme les pompes funèbres lors d'une naissance. Tu fumes de l'herbe et tes poumons sentent l'essence. Je dois rien à personne que je peux pas saquer. Je perce pas, sonne l'alarme comme Solar. J'ai dû zigzaguer, me mettre aux aguets au lieu de finir par vous désinguer. Laisse pas traîner tes gosses, partout y'a que des cinglés. À la base, je suis un mec cool, mais trop voulu remplacer les deux dernières lettres par leur haine. Cool, le navire poteau, tu matelot, mets la barre haute. Voilà ce que m'ont dit mes matelots quand je barote. Je voulais juste rapper, les MC veulent palper. Ouais, le temps passe vite, surtout quand tu matelotes. Laisse-nous dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire. Frère, le reste, rien à foutre de leurs affaires. Faut que je vous laisse, y'a la mif qui attend la maison. Les vrais se reconnaissent, c'est pas le bif qui parle à maison. Oui, on en veut pour plein de choses à plein de gens. Des faux amis, on s'en rachète d'autres, même sans argent. On est morose, on frappe à la morale, signer des pétitions. La vie n'attend pas la mort, elle ne propose pas de répétition. Pour pas finir escorte, je voulais pas me dévoiler. Mes sœurs en France, ça ferme la porte pour vous dévoiler. Encore une rime que tous les bâtards critiqueront. Ce ne sont pas nos gosses que l'argent et la télé guideront. Je vous le souhaite également, t'as vu comme ça pète, comme la tension, les racines. Et le meurtre légal monte. Quand on arrive en ville, les gens changent de trottoir. Quand ça part en vrille, ouais, y'a des morts et c'est trop tard. Pour avancer, j'ai pas voulu prendre le trotteur. Pour devancer les vôtres, pas besoin de beaucoup trop d'heures. Beaucoup trop d'art, finir sous coke comme les traders. Beaucoup de mères avec les nerfs si on rentrait pas mire d'or. Laissez-nous dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire. Frère, le reste, rien à foutre de leurs affaires. Allez, je vous laisse, y'a la mif qui attend à la maison. Les vrais se reconnaissent, c'est pas le bif qui parle à maison. C'est pas le bif qui parle à maison. C'est pas le bif qui parle à maison. C'est pas le bif qui parle à maison. C'est pas le bif qui parle à maison. J'ai mille torts, une seule raison d'avoir écrit ces mots. T'as mille maisons, mais qu'une seule mort eut raison de dire ses noms. De dire ses noms. Vous nous comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas nous. Sur cette planète, si vous comprenez tout, c'est que vous n'êtes pas net. Vous n'êtes pas net. Vous n'êtes pas net.